Une histoire particulière. Allan Kardec, mais qui était-il ? Dans le premier épisode du documentaire de Dany Le Gras et François Teste, diffusé hier, nous faisions la connaissance de cet enseignant français, né à Lyon, professeur de grammaire et de mathématiques, disciple du pédagogue suisse Pestalozzi et fondateur de la doctrine spirit. Sa tombe au Père-Lachaise est devenue un haut lieu de pèlerinage. Son buste en bronze, au centre d'un grand dolmen de granit, attire les foules. Certains posent leurs mains sur la statue, d'autres se recueillent, en silence. Elle ne défleurit jamais, et c'est même l'une des plus visitées par les touristes brésiliens. Tiens, tiens, comme c'est curieux. Tout de suite, le second épisode. Nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous envoyer de bons esprits pour nous assister, et d'éloigner ceux qui pourraient nous induire en erreur, et de nous donner la lumière nécessaire pour distinguer la vérité de l'imposture. Écartez aussi les esprits malveillants, incarnés ou désincarnés, et qui pourraient tenter de jeter la désunion parmi nous et nous détourner de la charité et de l'amour du prochain. La double vie d'Allan Kardec. Si quelques-uns cherchaient à s'introduire ici, faites qu'ils ne trouvent accès dans le cœur d'aucun de nous. Par Dany Le Gras et François Teste. Nous prions notamment l'esprit d'Allan Kardec, notre guide spirituel, de nous assister et de veiller sur nous. Deuxième partie, Allan Kardec, le français le plus célébré et connu au Brésil. En 1869, à la fin de sa vie, on estime le nombre de spirites à environ 1 million. Donc, dès les années 60, voilà les Brésiliens qui se manifestent. Ce sont des gens, évidemment, qui connaissent bien le français, qui ont lu les bouquins, qui demandent des explications. Et au Brésil, cela fait traîner de poudre. Mais à telle preuve que les Brésiliens ont édité des timbres Kardec, à l'occasion du centenaire de sa naissance, du centenaire de sa mort et du centenaire du Livre des Esprits, chose impensable en France. D'origine brésilienne, Allan Kardec fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Je dirais même que ce philosophe et spirite français est presque un membre de ma famille, car j'ai baigné dans un univers imprégné par un syncrétisme où le catholicisme jonglait allègrement avec le spiritisme. Mais pourquoi Allan Kardec, qui n'a jamais mis les pieds au Brésil, connaît autant de succès là-bas? Car oui, il a des timbres à son effigie, des rues à son nom et des millions de disciples. Viviane Perret, à quel moment les kardécismes arrivent au Brésil et par quel biais ? Eh bien, en fait, le kardécisme arrive très tôt au Brésil. Parce que vous avez, alors je ne vous ferai pas l'injure de prononcer les noms et je vous laisse le soin de le faire, mais vous avez quand même un médecin psychiatre qui s'est intéressé très très vite au spiritisme et qui a fait franchir au Brésil le pas que Hippolyte Riva et Allan Kardec refusaient absolument de franchir, c'est-à-dire le transformer en religion. Le système a été poussé au maximum, à savoir comment la communication des esprits pouvait améliorer le bien-être de la population. Donc la doctrine sociale a été bien évidemment mise en avant, mais aussi on est allé jusqu'à importer le spiritisme dans les hôpitaux psychiatriques, ce qu'on appelle la désobsession, où on travaille avec les malades mentaux sur un plan spirit et de communication avec les esprits. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que cette doctrine sociale, quand elle est arrivée au Brésil, et transformée en religion soit, elle a beaucoup ému le clergé catholique en 10 ans, ça date de 1950, c'est un rapport de l'évêché au pape qui dit « Nous avons 5 dangers au Brésil. Le premier, le spiritisme. Le second, le spiritisme. Le troisième, le spiritisme. Le quatrième, le spiritisme. Et le cinquième, le spiritisme. » C'est-à-dire que vraiment, le spiritisme, le Kardecis, quand il est arrivé au Brésil, et qui a été transformé en religion, a vraiment été un concurrent direct de l'Église catholique, et lui-même, à présent, subit d'autres concurrences. Et comment ça s'explique que le kardecisme se soit implanté avec une telle force? Peut-être qu'il répondait à un besoin, peut-être aussi que la terre brésilienne, qui déjà avait des religions animistes, qui étaient déjà en concurrence avec l'Église catholique, avait cette possibilité d'ouverture et cherchait peut-être, consciemment ou inconsciemment, une religion qui serait un peu la synthèse de l'Église catholique extrêmement bien implantée et en même temps qui ne refuserait pas des éléments apportés d'autres religions préexistantes. Le clergé catholique ne pouvait pas effacer d'un seul coup toutes les religions et les croyances qui existaient au Brésil avant l'implantation de la religion catholique. Nous sommes avec Charles Kampf, spirit, ingénieur de profession, français, qui a habité au Brésil dans les années 80, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez apparemment connu le spiritisme là-bas, oui, pendant ces années-là. Oui. Comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré le spiritisme, pour commencer? C'est vrai qu'en allant au Brésil, je ne connaissais rien. J'avais mon éducation catholique et j'étais devenu un peu indifférent parce que ça ne me parlait pas trop. Et quand je suis arrivé au Brésil, j'ai été confronté à un certain phénomène. Donc, pas personnellement, mais une personne proche. Elle a commencé à avoir de la dépression, ce genre de choses. Elle dormait plus. Le psychiatre ne pouvait plus aider. Et puis donc, c'est comme ça. Un jour, je l'ai vu parler d'elle à la troisième personne avec une voix qui n'était pas la sienne. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est toi qui es devenu fou. Et en fait, on est allé chercher donc de l'aide ailleurs. Et c'est là où on a trouvé les spirites au Brésil, qui ont été extraordinaires, un désintéressement total. Tout est gratuit. Et puis, ils l'ont aidée. Donc, en peu de temps, elle s'est sortie de ce problème. Et c'est comme ça que mon premier contact avec le spiritisme, et puis les livres de Kardec, la première fois, je les ai lus en portugais. Et de quelle manière ils l'ont aidée, justement? En fait, ils ont des réunions médiumniques dans le centre où ils appellent, ils évoquent, comme disait Kardec, les esprits qui perturbent la personne. Et par le dialogue avec cet esprit, par l'intermédiaire des médiums qui sont là-bas, ils arrivent à le dissuader d'embêter la personne. Donc c'est un travail qu'on appelle de désobsession. Et ensuite, j'ai commencé à lire les livres de Kardec en portugais. Et alors c'est là où justement... Ça a éveillé quelque chose en moi, parce que la caractéristique des livres de Kardec, c'est qu'ils traitent de ces questions spiritualistes, les questions d'esprit, mais avec une méthode rationnelle. C'est-à-dire, il vient avec des arguments, des questions-réponses qui sont bien structurées, et donc on arrive à comprendre ce qui se passe, vous voyez ? Et ça, pour l'ingénieur, c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est la première fois où donc j'entendais parler d'esprit, de réincarnation, de toutes ces notions, mais avec un fond logique, un raisonnement, vous voyez. Et c'est ça qui a fait la différence, je dirais, par rapport aux religions traditionnelles, qui ont une approche dogmatique. On vous dit que c'est comme ça, vous devez croire, même si vous ne comprenez pas, etc. Alors qu'avec Kardec, non, on comprend d'abord, et ensuite seulement on croit. Et donc, toutes les œuvres qui ont été faites, que ce soit des crèches, des hôpitaux, des asiles, enfin, ils ont vraiment énormément de travail d'assistance sociale, inspiré justement sur cette philosophie. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose d'admirable. Comme je vous ai dit, on est allé là-bas, on a été très, très bien accueillis. Et ce désintéressement personnel, ce dévouement des personnes qui nous ont reçus, on sentait la fraternité. Et moi, au départ, ça m'a fait tilt. Ça dit, derrière des attitudes comme ça, il doit y avoir une idéologie très forte. Et c'est donc ça que j'ai découvert dans Kardec. Allier la religion et la science, donc les questions spiritualistes, mais de façon rationnelle. <t'-> Georges Godinho, président de la Fédération Espírite Brésilienne. Então, o Brasil recebeu a doutrina espírita já com terreno fértil. Le Brésil est un terrain fertile pour le spiritisme. Réuniões onde a comunicabilidade com os espíritos. L'idée de la communicabilité avec les esprits est très répandue depuis longtemps. Estudiosas, uma forma la doctrine spirite a toujours essayé de comprendre la vie et le surnaturel. De sobrenatural, que ela vem desvendar isto, dizendo que tudo é natural, e conhecer também como é a elle considère, vida, grâce a vida aux ouvrages d'Alan Kardec, ao livro dos que la vraie vie est la vie spirituelle. Decorrentes deste livro que Allan Kardec ou o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio é o trabalho d'Alan Kardec é l'héritage qu'il a légué à l'humanité. Este grande legado. Além disto, temos como âncora do nosso trabalho a caridade. La base de notre travail est la charité. Bandeira, Deus, Cristo e caridade. Notre devise est Dieu, Christ et charité. Sentido que o Cristo, que Jesus nous ensinou. La charité que le Christ a prêché quand il était sur terre. E também a caridade material. Nous offrons de l'aide matérielle, mais aussi de la consolation spirituelle. Então nós oferecemos o pão material e nous aidons les gens à trouver des raisons de vivre. Que é justamente fazer com que as pessoas compreendam. Nous cherchons des réponses aux questions. Quem somos, qui sommes-nous? Que estamos fazendo aqui? Que faisons-nous ici? Para onde vamos? Où allons-nous? E qual o nosso papel? Quel est notre rôle dans la société? Então estas são atividades que nous développons ce genre de travail dans des centres spirites. Nos seus trabalhos. Nós temos estado brasileiro, ele é laico. Le Brésil est un pays laïque. Les religions cohabitent très bien ensemble. Il y a un grand respect mutuel et la beauté de ce pays, c'est justement la liberté que chaque Brésilien a de choisir sa propre religion. Les spirites en France ne sont pas très nombreux, alors qu'au Brésil, ils sont extrêmement nombreux. Comment vous voyez ça? Alors, c'est assez long à expliquer. Il y a plusieurs motifs derrière ce fait. Le premier, je dirais, c'est l'adage qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». La deuxième chose que je dirais, c'est que c'est vrai qu'en France, il y a encore peu de spirites, hein, des groupes, vous en avez, je dirais, entre les groupes formels et les groupes familiaux, il y en a à peu près une centaine, donc c'est rien par rapport aux 15 000 qu'on peut trouver au Brésil. Le deuxième aspect, c'est en France, on a eu la révolution scientifique, hein, donc qui a commencé au 19e siècle, à laquelle Allan Kardec a fait partie, et qui a fait que, si vous voulez, les spirites de l'époque se sont plus intéressés à la phénoménologie que à la mise en pratique des conséquences morales de la philosophie. Alors qu'au Brésil, c'était l'inverse. Et du coup, au Brésil, comme les spirites sont vus et considérés comme des gens charitables, eh ben, c'est ça qui a fait monter leur estime, alors qu'ici... Bon, il y a eu beaucoup d'expériences de matérialisation, des expériences de télépathie, ça a donné la parapsychologie par après. Vous voyez, c'était cet aspect scientifique qui finalement n'a pas beaucoup progressé dans l'intervalle et qui reste froid. Un autre facteur qui joue aussi, c'est la culture. Hein. Au Brésil, il y a eu pas mal d'immigration de l'Afrique au 18e siècle, au 19e siècle aussi, et donc... dans leur culture, les Africains ont l'esprit. L'esprit, ça fait partie de leur culture. Donc, ils n'ont pas ce blocage conceptuel que nous, on a ici en tant qu'Occidentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, il y a eu un troisième facteur, parmi beaucoup d'autres encore, hein, qui est qu'au Brésil, il y a eu des médiums, notamment un très remarquable, c'est Francisco Cândido Xavier, qui, lui, a écrit énormément de livres, qui a... par psychographie, qui a montré un désintéressement total pendant toute sa vie, et donc qui est quelqu'un de très très aimé des Brésiliens, qui a d'ailleurs été élu Brésilien du siècle. Et qui a failli être prix Nobel de la paix. Exactement. Alors... Et ce que je voudrais juste rajouter par rapport à ça, c'est là aussi, c'est des statistiques qui viennent du Brésil, mais le Livre des Esprits et l'Évangile selon le Spiritisme font partie des livres qui ont été, dans l'absolu, le plus édités et imprimés au Brésil. Plus que la Bible, plus que n'importe quel autre livre brésilien. Alors, il est serré de très près par les livres de Chico Xavier, notamment Nos Solars, hein, mais il y a beaucoup plus de personnes, effectivement, qui s'y intéressent. Et encore aujourd'hui, ce livre a énormément de succès. Et on le réimprime, on en a imprimé 500 l'année dernière, ils sont déjà tous partis, et on en réimprime en permanence. Chico Xavier a réalisé de grandes choses grâce à son amour et son humilité. Il a eu, à l'instar d'Allan Kardec, un travail de missionnaire. Il a fait don aux institutions de tout ce qu'il avait. C'était un grand philanthrope. Il savait que son inspiration venait des esprits. Ses livres apportent une consolation à tous ceux qui les découvrent. Dans ses ouvrages, il a synthétisé tous les enseignements du Livre des Esprits. Il y a au Brésil une jurisprudence unique au monde qui accepte la psychographie comme éventuelle preuve juridique et qui permet ainsi que l'esprit des morts témoigne dans la justice des vivants. Est-ce que c'est une pratique courante, Georges Godignot ? Est-ce que cela ne choque pas une partie de la population qui n'est pas de confession spirite ? Ce n'est pas quelque chose de courant. La justice fait appel aux faits. Elle ne prend pas de décision à partir des hypothèses, mais à partir de preuves avérées. Il y a eu, en effet, un cas précis où des informations majeures ont été fournies à Chico Xavier par le biais d'un esprit désincarné. Grâce à sa médiumnité, l'esprit a pu lui donner des informations très précises concernant sa propre mort. Chico Xavier a donc psychographié toutes ces données qui ont permis d'éclairer cette affaire de meurtre. Les juges l'ont analysé et ont pris leur décision en tenant compte de ce témoignage. Toutes les religions admettent l'existence de l'immortalité. Cela ne nous choque pas, car pour nous c'est quelque chose de naturel. Claudia Bonmartin, spirite brésilienne. Quand le spiritisme est apparu au Brésil, on disait que c'était une religion de pauvres, parce qu'on donnait beaucoup de charité, beaucoup de charité. Après, une religion de femmes, parce que c'est les femmes qui tout avec le cœur veulent aider, etc. Maintenant, nous sommes critiqués, parce qu'il y a toujours des gens qui critiquent, nous sommes une religion d'intellectuels, parce que le nombre de personnes de niveau supérieur est immense. Il y a le spiritisme, on parle dans les universités, il y a médecine et spiritualité dans certaines facultés de médecine. Il y a des thèses de doctorat sur le spiritisme. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes une religion... Ah bon, là, ça, c'est pour les intellectuels. Et pourtant, c'est pas vrai du tout. C'est pour tous. Pour tous. Il y a, mais il peut répondre un tout petit peu les intellectuels parce qu'il invite le dernier commandement que les esprits nous ont laissé. Instruisez-vous. Si au Brésil, l'affaire Vert est grande et l'espiritisme très répandu, il y a 3,8 millions de spirites et plus de 20 millions de sympathisants, en France, cela reste très confidentiel. Nous sommes à Paris, dans le 19e arrondissement, au CESAC, centre d'études spirites Allan Kardec, dans une salle tout à fait banale, sans fenêtre, où on ne trouve aucune trace aux signes ostentatoires. Merci. Alors bonjour, moi c'est Guillaume Lazara. Je suis au CESAC maintenant depuis 10 ans, ça commence à faire. Et je suis actuellement vice-président de l'association. Et j'anime également des études du livre des esprits le mercredi. Et je participe aussi à des activités de travail médiumnique comme l'aide aux esprits souffrants. Cette aide à ces esprits souffrants, concrètement, si on essaye de visualiser, qu'est-ce que ça donne? Comment ça se passe? Alors, on est une quinzaine aujourd'hui dans cette réunion. On fonctionne en binôme. En fait, à chaque fois, on a une personne qui va être le dialoguiste, donc qui va être chargée de parler avec l'esprit. Et on a une autre personne qui va être le médium d'incorporation, avec plein de guillemets, on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais voilà, qui va laisser en gros son corps à l'esprit pour que l'esprit puisse parler à travers lui. Donc on a vraiment un échange vocal avec lui, ce qui nous permet du coup d'aller assez vite dans le dialogue et de mieux comprendre sa situation. Grosso modo, on parle généralement entre 5 et 10 minutes avec chaque esprit qui passe. L'idée, c'est qu'il nous partage ses problèmes, ce qu'il vit en ce moment. On le rassure sur sa situation. Et ensuite, on passe la main au monde spirituel, puisque c'est ce qu'on croit vraiment, et qu'il y a des esprits qui ensuite les aident de l'autre côté. Quels sont les chagrins des esprits? Alors en fait, les sujets qu'on traite avec les esprits sont aussi variés que toutes les morts qu'on pourrait trouver sur Terre, donc ça fait beaucoup de choses différentes. Je dirais que l'exemple le plus classique, c'est surtout des personnes qui ne comprennent pas leur situation. On a beaucoup d'esprits qui sont morts, le savent ou le savent pas, déjà. Et puis après, ils ne savent pas quoi faire, surtout. Voilà. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à parler aux gens, que la vie continue alors que l'interaction avec le monde qui les entoure a un peu changé. Et donc souvent, en fait, ils attendent juste une parole de quelqu'un qui leur dit « Mais tu sais que, en fait, maintenant, tu n'as plus de corps physique. » Voilà. Et donc c'est parfois un moment un peu bouleversant pour l'esprit, parce que certains voulaient pas mourir en fait, hein, et sont morts sans s'en rendre compte. Voilà. Mais c'est là que tout notre amour et notre bienveillance est extrêmement important, parce que on doit accompagner aussi ce choc émotionnel qui est induit par cette prise de conscience. Archive INA, extrait de l'émission Tabou, 1986. Que je me règne peu de temps dans le corps qui vient, me vois-tu, d'être soumis à l'épreuve d'une grande dépense d'énergie. L'esprit qui vient de se manifester et l'esprit de Maurice de Beauvert décédé en 1979. Et dans les manifestations dont il parle, il a agi plusieurs fois sur l'esprit de sa femme, toujours incarnée, en lui provoquant certains dédoublements, ce qui lui a permis de voir des choses qu'elle n'aurait pas vues en d'autres temps, et notamment et très souvent, sa mère, décédée depuis longtemps, assise près de son lit. Tu sais, je ne suis pas tout seul. Nous sommes très nombreux. Aujourd'hui, je ressens un petit peu les ambiances énergétiques. Et je suis capable donc de dialoguer avec beaucoup d'inspiration de la part des esprits. Et ou de laisser l'esprit en incorporation, donc parler à travers mon corps en fait. Parfois certains arrivent avec des situations très très lourdes, par exemple prenez quelqu'un qui s'est suicidé, c'est quelque chose qui est vraiment émotionnellement très très lourd, mais on peut tout à fait sentir la joie, la tristesse, on peut sentir des douleurs physiques, on peut aussi avoir le corps qui va peut-être se contracter à certains endroits, on va sentir des douleurs. Et on sait bien à ce moment-là que c'est pas nous, parce que ça allait très bien 5 secondes avant, et tout d'un coup, on a tout le corps qui se crispe, on est triste, et donc on a cette influence plus ténue de l'esprit. Et le but de ça, c'est vraiment que l'esprit ressorte apaisé. Le but, c'est pas qu'on s'éternise et qu'on fasse une conversation longue. Notre objectif, c'est que d'identifier rapidement sa souffrance, le truc sur lequel il est bloqué là depuis un certain temps, et de lui expliquer que là, c'est plus nécessaire de rester là-dessus, c'est terminé. et que maintenant, il peut s'ouvrir à autre chose. Abuse, frère spirit, et l'esprit de Gabriel Delanne est heureux en cette soirée et de s'incorporer au milieu d'entre vous. Guillaume Lazara, est-ce que vous avez en mémoire un moment qui était pour vous très fort, un moment de médiunité, et quelle réponse avez-vous pu apporter à cet esprit-là? Alors, il y en a beaucoup, mais un qui me revient, parce que je le trouve finalement assez beau, c'est une femme qui est en fait morte en voulant accoucher son bébé, mais elle s'en est pas rendue compte. Et en fait, elle est restée bloquée sur ce moment de l'accouchement, où elle commençait à essayer d'accoucher avant de mourir. Et donc, quand elle est arrivée, le médium qui incorporait l'esprit commençait à sentir des contractions. Alors, en plus, c'était un homme, alors, imaginez, c'est un peu bizarre, mais il ressentait des contractions des muscles en bas du ventre. Et donc, tout le travail, ça a été d'accepter le fait qu'elle était en train de vivre ça. Et donc on lui a dit que c'était bon, qu'on était les médecins, qu'on s'occupait d'elle, qu'elle pouvait bien souffler, pousser tranquillement, qu'on était en train de prendre le bébé, que le bébé allait bien, qu'on lui montrait. Voilà, donc on lui pousse des images par la parole, vous voyez, c'est l'induction de l'image. Donc voilà, que le bébé allait bien, et que maintenant elle allait devoir se reposer. Et vous voyez, juste ça, ces paroles-là, ça a beaucoup aidé cet esprit, parce que c'était son obsession, entre guillemets, avant de mourir. Elle devait essayer d'accoucher avant de mourir. Moi, je suis pas une femme, c'est vrai que c'est difficile, mais j'imagine ce que c'est d'être une femme, d'être enceinte, de se dire que j'attends un bébé et je veux le mettre au monde. Et ben voilà, c'était vraiment son obsession. Elle avait besoin de se dire qu'elle avait fait son devoir avant de pouvoir relâcher cette pression et accepter ensuite, peut-être plus longuement après, cette mort. Est-ce que vous vivez l'espiritisme de manière complètement décomplexée ou vous êtes plutôt discret pour ne pas passer pour un fantaisiste? Je le vis de manière discrète. J'en parle quand les gens me parlent d'énergie, de Reiki, de choses qui touchent un petit peu à la spiritualité ou à la sensibilité autre que du pur cartésien. Mais j'en parle pas trop autour de moi. Les gens savent maintenant dans ma famille, mes amis le savent aussi un petit peu, mais si on me pose pas trop de questions, je développe pas plus que ça. Je suis pas très à l'aise à en parler comme ça. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas? Que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. C'était Allan Kardec, le français le plus connu et célébré au Brésil, avec Viviane Perret, Charles Kampf, Georges Godinho, Claudia Bonmartin et Guillaume Lazara. Archive INA, Christelle Rousseau. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Denis Legras et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Profitez-en pour courir acheter le numéro 26 de la revue papier sur les révolutions d'intelligence qui est disponible en kiosque. Et moi, je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous raconter le destin d'une certaine Violette. Mais c'est une autre histoire.